إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdoulillah, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui avec vous dans cette ville d'Avignon, يعني pour lire ensemble quelques paroles, يعني des paroles des ulama de l'islam qui nous expliquent différents aspects des fondements de notre religion, et on va lire ensemble une conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et le titre de cette conférence est At-Tawhid ou Haqqullah 'ala al-Ibad, c'est-à-dire le Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur sa création, sur ses serviteurs. Donc, le Cheikh dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا من أجل أن يتقوى بهم ولا لحاجة إليهم وإنما خلق الخلق ليعبدوه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم لأنه غني عنهم وعن عبادتهم وإنما هم المحتاجون إلى عبادة الله فهم المحتاجون إلى العبادة من أجل أن تربطهم بالله من أجل أن تربطهم بالله عز وجل ومن أجل حاجتهم إلى الله عز وجل كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فهم يحتاجون إلى الله في الدنيا والآخرة محتاجون إلى رزقه محتاجون إلى جنته محتاجون إلى عفوه ومغفرته محتاجون إليه في كل حالة لا يستغنون عن الله طرفة عين محتاجون إليه في كشف ضرهم وجلب النفع إليهم ومحتاجون إليه في حفظهم مما يكرهون وما داموا محتاجين إليه فما هي الرابطة أو العلة التي تصلهم بالله من أجل أن يحقق لهم المنافع أو يدفع عنهم المضار ما هي الصلة ليس هناك صلة إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh Al-Fawzan حفظه الله ورحمه, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et sur ses compagnons ensuite. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création non pas parce qu'il a besoin de nous pour se renforcer ou bien parce qu'il a, non pas non plus parce qu'il a un besoin de sa créature ou de nous, il a uniquement créé sa création dans le but d'être adoré par celle-ci. Et il mentionne dans le verset 56, dans Surat al-Dhariyat, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, ce n'est pas parce qu'il a un besoin de ses créatures, mais c'est pour qu'on l'adore. Et ce n'est pas non plus parce qu'il a besoin de notre adoration. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani. Allah subhanahu wa ta'ala, il est suffisant à lui-même. Il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. Donc il n'a pas besoin de notre adoration. Il n'a pas besoin de notre salat. Il n'a pas besoin de notre jeûne. Il n'a pas besoin de notre hajj ou de n'importe quelle autre d'entre les adorations. Si on adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous-mêmes. C'est pour se faire un bien à nous-mêmes. Donc, en réalité, c'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui avons besoin de cette adoration. Pourquoi? Parce que c'est cette adoration-là qui nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Fatir, le verset 15, « Ô vous les hommes, vous êtes les indigents, c'est-à-dire vous êtes ceux qui êtes pauvres d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Ghani, Al-Hamid, Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même, qui est riche, qui a besoin de rien, qui a besoin de personne, Al-Hamid, celui qui est digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Donc, les créatures, ce sont elles qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya et dans l'akhira, dans l'au-delà. Ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir de lui leur subsistance. Ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir son paradis. Ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir son pardon et pour avoir sa miséricorde. Ils ont besoin de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala dans toute situation. Personne ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pas une fraction de seconde, même pas le moment du clignement d'un œil. Tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'un malheur nous a touchés, pour qu'il nous libère et pour qu'il nous délivre de ce malheur. Et pour faire ramener un bien quelconque, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala également pour nous préserver contre le mal ou contre ce qu'on n'aime pas. Donc, du moment qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut trouver le moyen d'avoir cette relation avec lui, d'avoir cette chose qui peut nous rattacher à lui. On a besoin en fait de savoir justement, puisqu'on a besoin de lui, comment faire pour s'adresser à lui. Et il n'y a rien qui peut nous rapprocher et nous ramener à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui peut faire en sorte que les bienfaits dont on a besoin se réalisent. Et il n'y a rien qui peut repousser de nous le mal, excepté si on a justement trouvé ce moyen de rentrer en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et de trouver cette connexion entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce moyen, c'est quoi? C'est al-ibada, c'est-à-dire l'adoration. Il n'y a pas d'autre moyen, de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala que par ce moyen-là. Il n'y a pas de relation entre la création et la créature, excepté cette relation qui est al-ibada, c'est-à-dire l'adoration. Le Cheikh, il mentionne ensuite des versets, comme le verset 57 à 58 dans Surat al-Dhariyat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et tout de suite après ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne veux pas d'eux aucun risque, aucune subsistance. C'est-à-dire il ne nous demande pas qu'on lui donne quoi que ce soit comme subsistance ou qu'on lui donne de la nourriture ou de l'argent ou quoi que ce soit. Il ne veut pas qu'on le nourrisse. Inna Allah huwa ar-Razzaq Au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui donne la subsistance et qui pourvoit pour ses serviteurs. Zul quwwatil matin, celui qui détient la force et qui est inébranlable. Wa qala ta'ala, fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu. Wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. فلما كانت هذه العبادة هي الصلة بينهم وبين الله التي بواسطتها يرحمهم الله عز وجل ويرزقهم الله ويكرمهم الله في الدنيا والآخرة كانت العبادة إذن هي حق الله على العباد قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وابن السبيل وما ملكت أيمانهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر في هذه الآية 10 حقوق، ولهذا تسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، وبدأ بحقه سبحانه وتعالى، ثم بحق الوالدين، ثم بحق الأقارب، ثم بحق الناس والمساكين إلى آخر الحقوق. Le Sheikh explique, il dit, donc dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, comme dans le verset 17 dans sourate Al-Ankabut, donc si vous voulez votre risque, recherchez votre risque, votre subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et adorez-le et soyez reconnaissant envers lui. Washkurulah, soyez reconnaissant envers lui, c'est-à-dire remerciez-le, hein, pour qu'est-ce qu'il vous donne comme subsistance. Ilayhi turja'un, hein. Et il mentionne donc que cette adoration, c'est ça le lien qu'il y a entre les hommes et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre lien. Il n'y a pas de lien de parenté entre Allah et sa création. Le seul lien qui existe, c'est le lien de l'adoration. Et c'est le lien par lequel Allah subhanahu wa ta'ala leur fait miséricorde et leur donne leur respect et les honore dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, on peut dire dans ce cas-là que l'adoration, c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le droit que Allah a sur sa création, sur ses serviteurs. Et c'est un droit qu'il a qui est exclusif, qui lui est réservé à lui seul. Hein? L'adoration, c'est un droit qui lui est réservé à lui seul et qui lui est exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 36 dans surat An-Nisa, et adorez Allah et n'associez rien avec lui dans l'adoration. Ne faites pas de shirk avec lui. Et ayez un bon comportement. Hein, faites preuve de bonté envers les deux parents, ainsi qu'avec les proches, avec les orphelins, avec les pauvres, avec les voisins, qu'ils soient proches ou loin, avec les compagnons, avec les voyageurs, et avec ceux que vous possédez comme esclaves. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens fiers et pleins de glorioles qui s'enflent d'orgueil. Donc ça, c'est le verset qu'on appelle le verset des 10 droits. Ayatul Hukuk al-Ashra. Les ulama, ils l'ont désigné par ce nom-là. Pourquoi? Parce que dans ce verset, on mentionne 10 droits parmi les droits, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le premier des droits, puis par la suite, le droit des parents, le droit des proches, et le droit des hommes, des pauvres, ainsi de suite, jusqu'à la fin du verset, et jusqu'à la fin des différents droits qui sont mentionnés. C'est-à-dire des devoirs qu'on a à respecter envers différentes catégories. Et en premier, le premier tous ces droits-là, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui mérite le plus d'être respecté. Et en particulier, à notre époque où les gens ne font que de parler de droits, ils ne font que demander et de réclamer des droits, mais ils oublient en grande partie le plus important de tous ces droits-là, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le droit que la majorité de la création a négligé et a oublié. Hein? Tout le monde est en train de crier, non, on veut nos droits, on veut nos droits, et ils oublient le droit de leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le droit qu'il a sur nous, qu'on l'adore. Hein? وقال تعالى لما ذكر وصية لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه. ذكر حق الله أولا وهو عبادته وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. ثم ذكر حق الوالدين. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فبين حق الله سبحانه وتعالى على عباده وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc le Cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran le conseil que Luqman a donné à son fils. Dans le verset 13, dans Surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit: et lorsque Luqman a dit à son fils, alors qu'il l'exhortait: ô mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah, n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, c'est la plus grande des injustices. Inna shirka la zulmun azim. Puisque c'est évident, puisque le plus grand des droits et le droit le plus important, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait de ne pas respecter ce droit, c'est la plus grande injustice. C'est la plus grande injustice que quelqu'un peut faire. Et tout le monde dans ce monde aujourd'hui, c'est devenu la mode. On crie à l'injustice, on parle d'injustice. Et on oublie la plus grande des injustices et la plus importante de toutes les injustices, qui est la plus grave de toutes, c'est le shirk billah, qui est répandu dans l'humanité, et malgré tout, c'est comme si c'était rien. Hein? Donc le Cheikh il mentionne par la suite, le verset 14 dans surah Luqman ensuite, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Donc après le droit d'Allah, il mentionne le droit des parents. Hein? Tout de suite après. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il mentionne son droit qui est le fait qu'on doit l'adorer lui seul et qu'on ne doit rien associer avec lui, puis le droit de nos parents. Et ça aussi, c'est un droit qui est très négligé, et surtout à notre époque. Hein? Allahu al-musta'an. Donc, le Cheikh, il dit, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Mu'adh ibn Jabal sur un âne. Et il a dit à Mu'adh: oh Mu'adh, est-ce que tu connais le droit que Allah a sur ses serviteurs? Et est-ce que tu connais le droit que les serviteurs ont sur Allah? Alors, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il a dit: Allahu wa rasuluhu a'lam. C'est-à-dire, Allah et son messager savent mieux. Il a dit: le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien associer avec lui. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtie pas lorsqu'ils n'ont rien associé avec lui. Donc du moment que tu n'as rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un droit pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un droit que tu as sur lui, qu'il ne te châtie pas, puisque tu n'as pas commis de shirk. Alors il dit: oh messager d'Allah, n'est-ce pas que je devrais annoncer la bonne nouvelle aux hommes, que je devrais dire ça à tout le monde? Il a dit: ne leur dis pas, parce que si tu leur dis ça, ils vont se baser uniquement là-dessus. Ils vont se baser uniquement là-dessus, puis par la suite, ils vont laisser tomber les actions et les efforts qu'ils doivent faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَقُّ اللَّهِ فَبَيَّنَ حَقَّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَهُوَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc, il a expliqué quel était le droit que Allah avait sur ses serviteurs, c'est-à-dire qu'ils doivent l'adorer lui seul et ne rien associer avec lui. ثم بين ثمرة هذه العبادة وفائدتها فقال حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به فثمرة عبادة الله منع عذاب الله سبحانه وتعالى وجلب رضاه وجلب رضاه ومودته ومحبته ومودته لعباده، فهي الصلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. فهذه كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة أتباعهم إلى يوم القيامة. فكانوا أول ما يبدأون بالدعوة إلى عبادة الله، أول ما يبدأون بالدعوة إليه هي عبادة الله سبحانه وتعالى. أول ما يبدأون الأمم وأول ما يبدأون الناس ويطلب منهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فهذا نوح عليه السلام أول الرسل إلى أهل الأرض يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشيخ قلت donc le fruit de cette adoration là, le fruit de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est d'empêcher le châtiment d'Allah, de se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite que le droit que les serviteurs ont sur Allah, c'est que Allah ne les châtie pas lorsqu'ils n'ont pas commis de shirk avec lui, lorsqu'ils n'ont rien associé avec lui. Donc ça, c'est le fruit de l'adoration, d'être protégé du châtiment d'Allah et de faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi et qu'il t'aime. C'est ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer, parce que tu l'as adoré et tu n'as rien associé avec lui. Donc c'est le lien qu'il y a entre toi et ton Seigneur. Et ça, c'était la da'wah de tous les messagers alayhim salatu wassalam. Aujourd'hui, vous avez des gens qui entendent le sujet du tawhid, de l'adoration, et qu'ils prennent ça à la légère, ou qu'ils prennent ça pour acquis. Ils disent: ça, c'est quelque chose, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, tout le monde l'a appris, on n'a plus besoin d'en parler, Allahul Musta'an. Et donc, le Cheikh, il explique, il dit: la première chose que les messagers ont enseigné à leur peuple lorsqu'ils sont arrivés, c'était quoi? C'était de leur dire, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose qu'ils disaient à leur nation, à leur peuple, aux hommes, c'est de leur demander d'adorer Allah seul et de rien associer avec lui. Et on voit que le premier d'entre les messagers d'Allah, qui était Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit en premier lorsqu'il est arrivé à son peuple? Le premier des messagers envoyés à l'humanité, envoyés sur la terre, il a dit à son peuple: ô mon peuple, adorez Allah seul, n'associez rien avec lui, ne faites pas de shirk avec lui. Et adorez-le, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Vous n'avez rien à adorer en dehors de lui. Comme a dit Allah Ta'ala: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc le Cheikh, il énumère différents versets dans lesquels on voit que chaque fois qu'un messager est envoyé à son peuple, la première chose à laquelle il les appelait, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de rien associer avec lui. Comme par exemple l'exemple de Nuh qu'on a mentionné tout à l'heure dans le verset 59 dans surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on a envoyé Nuh à son peuple et il a dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien à adorer en dehors de lui. Et le verset 65 dans surat Al-A'raf, il a envoyé Ad à son peuple, Houd, et il leur a dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien à adorer, il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui. Et la même chose, il a envoyé Thamoud à son peuple, Salih, à Thamoud, il a envoyé Salih, et Salih a dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien à adorer en dehors de lui. Et Shu'aib a été envoyé à Madian, la même chose à son peuple qui était Madian. Il a dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien à adorer en dehors de lui. Donc ça, c'est dans surat Al-A'raf. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous énumère les histoires des différents messagers avec leur peuple respectif. Et que la première chose à laquelle il les appelle, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien associer avec lui dans l'adoration. De même que pour tous les autres messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. أول ما يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا عبادة ما سواه من الأصنام وسائر المخلوقات، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي إذا أداه أو إذا أدوه فازوا في الدنيا والآخرة. فمهما فعل الإنسان من الطاعات ومن القربات، إذا كان عنده شرك في عبادة الله، فمهما عمل من الطاعات فإن عمله يكون هباء منثورا لا فائدة منه، لأنه لم يؤسس على أساس صحيح وعقيدة سليمة، لأنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Le Cheikh explique ensuite, pour continuer donc, que la première chose à laquelle les messagers ont appelé leur peuple, c'était d'adorer Allah seul, et d'abandonner l'adoration de tout ce qui était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les idoles et parmi toutes les autres créatures qui sont adorées par les êtres humains. Peu importe qu'est-ce que cette créature peut être, que ce soit un prophète, comme par exemple les kuffars, les mushrikines et les gens du livre, qui adorent des hommes, qui adorent des prophètes, qui adorent des messagers, qui adorent des morts, qui adorent des saints dans les tombes, qui adorent des anges, qui adorent des djinns, qui adorent des arbres, qui adorent des pierres, ou n'importe quelle autre chose, comme le soleil ou la lune, ou toute autre chose qui peut être adorée parmi les choses que les hommes adorent dans cette terre. Les messagers, ils disent, adorez Allah seul et abandonnez toutes ces choses-là que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, son droit exclusif. Et si vous avez respecté ce droit, alors vous avez le succès dans cette dunya et dans l'au-delà. Mais si vous n'avez pas respecté, alors dans ce cas-là, vous avez perdu. Le Cheikh, il dit, peu importe ce que vous faites comme bonne action, parce qu'il y a beaucoup de musulmans parfois qui négligent l'importance du tawhid et de l'unicité d'Allah dans l'adoration, et donc ils se concentrent tout le temps sur des exemples d'adoration, comme par exemple la salat, ou le hajj, ou le jeûne, ou bien le fait de faire de la charité, d'être bon avec les gens, d'avoir un bon comportement. Il n'y a pas de doute que ces choses-là font partie des adorations, et que ces choses-là sont importantes dans la da'wah des messagers. Mais tous ces actes d'adoration et tous ces actes d'obéissance, si elles n'ont pas été établies sur le tawhid, et si elles contiennent du shirk, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc peu importe qu'est-ce qu'un homme a pu accomplir comme bonne action, toutes ces œuvres-là, au jour de la résurrection, vont être comme de la poussière éparpillée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans de nombreux versets. C'est innombrable, tellement il le mentionne à plusieurs reprises dans différents versets dans le Coran, que c'est quelque chose qui est innombrable, c'est difficile à calculer, tellement qu'il y en a des versets qui mentionnent ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne au sujet des œuvres des mushrikines, par exemple, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. On a vu qu'est-ce qu'ils ont fait comme, on prend qu'est-ce qu'ils ont fait comme action, et on le fait devenir comme de la poussière éparpillée. Toutes leurs œuvres n'ont aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas établi leurs actions sur le tawhid et sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actions qu'ils ont commises, elles n'ont pas été établies sur une base correcte. Elles n'ont pas été établies sur une bonne aqidah, une bonne croyance. Et c'est donc pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné à Allah le droit qui lui revient, c'est-à-dire d'être adoré lui seul et de manière exclusive. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le Coran, surat Az-Zumar, le verset 65, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et on t'a révélé à toi, c'est-à-dire on a révélé à toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'à ceux d'entre les messagers qui sont venus avant toi, parmi les messagers, que si tu commets le shirk, c'est-à-dire si tu commets le shirk avec Allah dans l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à qui? s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset. Il dit, on a révélé à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on a révélé aux autres prophètes, aux autres messagers avant toi également, que si tu commets le shirk avec Allah, tu adores d'autres avec Allah, la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Toutes tes œuvres vont être vaines, vont être devenues nulles, sans aucune valeur. Wa la takunanna min al-khasirin. Et tu seras du nombre des perdants. Donc, c'est pas quelque chose qui est uniquement pour nous, c'est pour tous les hommes. Et en commençant même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, si tu commets le shirk, tes œuvres n'auront aucune valeur. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait commis du shirk ou s'il commettait du shirk, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est protégé de ce genre de choses. Mais c'est juste un exemple pour nous faire comprendre que personne n'est exclu de ça. Dans le sens que si quelqu'un commet le shirk, toutes ses œuvres seront vaines. Peu importe ce qu'il fait de bien. Et vous avez des gens aujourd'hui parmi les gens qui disent, l'important c'est de faire le bien, peu importe la religion, toutes les religions sont bonnes. L'important, tu fais pas de mal à personne, tu mens pas, tu voles pas, tu tues pas, hein, tu fais la justice avec tout le monde, et Inch'Allah, c'est bien, c'est correct. Non, c'est pas vrai. C'est pas correct. Même si tu fais toutes ces bonnes choses, et même si tu t'écartes de toutes ces mauvaises choses, mais que tu as pas donné à Allah le droit qui lui revient, et que tu as fait du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, tes œuvres seront vaines. Donc quelqu'un, par exemple, qui adore Jésus, ou qui adore Marie, ou qui adore les saints, ou les tombes, ou les morts, ou quelqu'un qui dit qu'il est musulman, et qu'il adore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui offre des doigts et des invocations, hein, ou quelqu'un, par exemple, qui adore des kobours dans les pays musulmans, des gens qui adorent des tombes, ça c'est du shirk. Et que celui qui commet le shirk, eh bien, il entre dans la menace d'Allah. Il fait partie de ceux à qui Allah va annuler toutes ses œuvres. Et donc c'est très très grave. C'est très important de faire en sorte que notre islam soit propre de toute forme de shirk, purifié de toute forme d'idolâtrie et d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala, wa law ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 88 dans surat Al-An'am, et s'ils commettaient le shirk, on aurait annulé tout ce qu'ils avaient fait comme action. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils commettaient le shirk, et Allah il parle de qui encore une fois? Il parle des messagers. Dans ces versets, dans le verset 88 dans surat Al-An'am, si vous retournez à surat Al-An'am dans le Coran, dans le Mus'haf, et vous lisez qu'est-ce qui est mentionné juste avant, dans les versets qui précèdent, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala énumère les messagers. Il parle des prophètes. Et juste après, il dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si ils commettaient le shirk, ils auraient annulé toute la validité et la valeur de leurs œuvres. Tout ce qu'ils avaient fait comme action n'aurait aucune valeur par la suite. فَحَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا وُجِدَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ وَهُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صحت جميع الأعمال ونجى العبد من النار ودخل الجنة وإن كان عنده تقصير في بعض الأعمال وعنده بعض المعاصي التي هي دون الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيمة. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, son droit, c'est son droit à lui seul, et personne ne partage ce droit. Personne n'a droit à l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qui il est, peu importe quelle est cette créature, peu importe quelle est cette chose, elle n'a pas le droit de recevoir de l'adoration de la part des créatures. Elle n'a pas le droit d'être adorée. Hein? Et le cheikh, il mentionne donc, il dit, فَحَقُّ اللَّهِ, il dit donc le droit d'Allah, si elle est établie de la manière qui est correcte, hein, c'est-à-dire d'adorer Allah seul et de rien associer avec lui, toutes les œuvres que tu fais vont être valables. Au moins tu sais que toutes les œuvres que tu fais vont être valables. Même si ces œuvres-là sont peu, même si c'est un musulman, hein, il a été sur le tawhid, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul, il n'a pas fait de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec très très peu de bonnes actions, très très peu de bonnes œuvres. Hein? Au moins, il sait que ces œuvres-là seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elles étaient établies sur le tawhid. Et il sait donc que ces œuvres-là, il sera récompensé pour celles-ci. Et il va être sauvé de l'enfer, il va rentrer au paradis, même s'il a des manques dans certaines de ses œuvres, même s'il a certains péchés. Tandis que celui qui a des œuvres comme les montagnes, des bonnes œuvres, il aide les gens, il fait du bien, il donne de l'argent, il fait construire des écoles, il fait construire des hôpitaux, hein, il nourrit les pauvres, hein, il fait du bien, il fait construire des puits, hein, il dépense de l'argent jour et nuit pour aider les malades, il fait du travail humanitaire pour aider les gens, il arrive au jour de la résurrection avec du shirk ou avec du kufr. Toutes ces œuvres qu'il a faites, tout ce qu'il a fait devient comme de la poussière, sans aucune valeur du tout. C'est comme s'il n'avait rien fait de sa vie. C'est comme s'il n'avait rien fait de bon. Toutes ces œuvres n'ont aucune validité, aucune valeur. Pourquoi? À cause du shirk. Hein? À cause du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh, il mentionne plein de versets qui mentionnent la preuve de ça. Hein? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 48, dans surat An-Nisa, Allah pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché. Hein? Tout autre péché qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Liman yasha. À qui il veut le reste. Si c'est moins grave que le shirk, si c'est moins grave que le kufr, il le pardonne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans le verset 48 dans surat An-Nisa, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, celui qui fait le shirk avec Allah, il a certes inventé à propos d'Allah un grand péché. Il a certes inventé à propos d'Allah un grand péché. Hein? Donc il y en a qui penseraient, par exemple, parmi les gens aujourd'hui, il y en a qui s'imagineraient que tuer, c'est le plus grand crime. Voler, c'est le plus grand crime. Hein? Manger du porc, ils pensent que c'est le plus grand crime. Boire de l'alcool, ils vont penser que c'est le plus grand crime. Faire le zina, ils vont penser que c'est le plus grand crime. Alors que tout ça, à côté du shirk, c'est rien. Par rapport au shirk. Le shirk, c'est le plus grave de tous les crimes. Le plus grand crime que l'humanité a pu commettre, c'est le shirk billah. Il n'y a pas de péché plus dangereux, plus grave que le shirk. Si quelqu'un rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec le zina, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner par sa miséricorde, mais pas le shirk. Celui qui rentre, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec le shirk, il reste dans l'enfer. Il est garanti à l'enfer pour l'éternité, jusqu'à l'éternité. Il ne sortira jamais. Tandis que celui qui rencontre Allah avec le tawhid et qu'il a commis certains péchés, comme le zina ou autre, Allah peut lui pardonner s'il veut. Et s'il rentre en enfer, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Il va sortir après un certain temps pour être purifié de son péché. Il va rester un certain temps. Mais puisqu'il a le tawhid avec lui, il ne va pas rester éternellement en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans le verset 116 dans surat An-Nisa, et celui qui fait le shirk avec Allah, il s'est certes égaré d'un égarement lointain. Et il mentionne dans surat Al-Ma'ida le verset 72, et certes celui qui fait le shirk avec Allah, alors Allah lui interdit le paradis. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ, et sa destination c'est l'enfer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ, ça c'est dans un verset, hein? Et ça, c'est dans ce verset là il y a d'autres versets qui mentionnent ça également. وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل, هذا لأنه حقق وأدى حق الله, فالله جل وعلا يدخله الجنة على ما كان على ما عنده من العمل ولو كان عنده بعض النقص أو التقصير في بعض الواجبات التي هي دون الشرك، فإنه مرجو له المغفرة، مرجو له الرحمة. أما الذي أخل بحق الله وأشرك بالله الشرك الأكبر كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فهذا لا طمع له في السعادة ولا طمع له في الجنة ولا نجاة له من النار. وإذا مات على الشرك الأكبر محقق أنه من أهل النار، لن يدخل الجنة أبدا، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم يعني منعه منعا باتا من دخول الجنة. الشيخ المنسيان ensuite il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est authentique, qui est sahih, il a dit: celui qui témoigne de la ilaha illallah, c'est-à-dire celui qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah lui seul, c'est ça ce que signifie la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça signifie pas, comme certains le traduisent parfois, qu'il n'est de Dieu que Dieu, ou qu'il n'est de créateur que Dieu. Ça, c'est juste une partie de la signification de la ilaha illallah, et c'est complètement incomplet. Si quelqu'un se base uniquement sur cette signification-là, son témoignage, il n'est pas bon. Son témoignage, il n'est pas correct. De témoigner de la ilaha illallah, ça ne veut pas dire que tu dis il y a un Dieu unique qui existe. Même les mouchriquins de Quraysh, ils disaient ça. Les mouchriquins de Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient: il y a un Dieu unique qui existe, qui a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Donc de dire la ilaha illallah, ça ne veut pas dire je reconnais qu'il y a un Dieu unique qui a créé la terre et les cieux et tout, et que c'est Allah. C'est pas ça que ça signifie la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça signifie je reconnais qu'il y a un Dieu unique qui a créé les cieux et la terre, mais que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que rien d'autre que lui ne mérite d'être adoré. Ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu dis oui, il y a un créateur, il y a un maître de l'univers, c'est lui seul, il est unique, mais que tu pries à d'autres que lui et que tu adores d'autres que lui, ou que tu leur offres de l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ton adoration est vaine et ton témoignage est vain, il n'a aucune valeur ni signification. Il faut donc comprendre comme il faut la signification de la ilaha illallah quand on le dit. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que Isa est Abdullah, c'est-à-dire Isa c'est un serviteur d'Allah, c'est pas le fils d'Allah, c'est pas Dieu incarné ou une trinité, quelqu'un qui fait partie de Dieu, comme un tiers de Dieu, comme les chrétiens le prétendent. C'est une parole venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un serviteur d'Allah. C'est sa parole dans le sens qu'il a dit « kun fakan ». Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'exister et il a existé à partir de ce moment-là. Il l'a créé par son ordre, par son commandement. Et c'est une parole donc qu'il a mis en Maryam et une âme qu'il a créée venant de lui. Et que le paradis est véridique. Donc tu témoignes que le paradis est véridique. Tu témoignes que l'enfer est véridique. Alors Allah va faire rentrer cette personne qui a témoigné de ça. Il va le faire rentrer dans le paradis avec ce qu'il avait comme action. Allah va le faire rentrer avec ce qu'il avait fait comme action. C'est-à-dire celui qui a réalisé, qui a réellement établi le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer dans le paradis avec ce qu'il avait comme action. Même s'il n'a pas fait beaucoup, il a fait un peu seulement, mais au moins il a fait quelque chose qui était basé sur quelque chose qui était correct, et donc ce sera accepté. Contrairement à celui qui a fait beaucoup, mais qui n'était pas établi sur la vérité, qui n'était pas établi sur la ilaha illallah, qui n'était pas établi sur le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter. Donc, il le fait rentrer avec ce qu'il avait comme action. Même s'il avait certaines faiblesses, même s'il avait certains manquements, même s'il avait certains délaissements par rapport à certaines obligations, il avait certaines faiblesses, mais qui sont moins graves que le shirk, hein, on espère quand même pour lui le pardon. Et on peut quand même espérer pour lui la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui a négligé et qui a eu des manques par rapport au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a commis un acte de shirk majeur avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui a associé d'autres avec Allah en invoquant d'autres que Allah ou en cherchant l'aide et le secours ou qui en appelant à l'aide autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse ou qui sacrifie des animaux pour autre que Allah, comme celui qui sacrifie pour des idoles, ou qui sacrifie pour des saints, ou qui sacrifie pour des tombes, hein, ou pour des djinns, ou autres, ou qu'il offre à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration, hein, alors celui-là, il n'a aucun espoir de rentrer au paradis. Il n'a aucun espoir de rentrer au paradis, hein, s'il meurt sur le shirk akbar, s'il meurt sur le shirk majeur. C'est garanti, c'est certain qu'il va en enfer pour l'éternité, s'il meurt sur le shirk akbar. Hein? Et il mentionne le verset 40 dans Sourate Al-A'raf. Ceux qui ont traité nos signes de mensonges et qui se sont enflés d'orgueil par rapport à nos signes, les portes des cieux ne leur seront jamais ouvertes et ils n'entreront jamais au paradis. Ils n'entreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau passe par le chat de l'aiguille. C'est-à-dire, ils n'entreront jamais au paradis. Le verset 40 dans Surat Al-A'raf. Et dans le verset 72, dans Surat Al-Ma'idah, comme on l'a dit tout à l'heure, quiconque fait du shirk avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala leur interdit le paradis. Allah leur interdit. Le paradis devient haram pour eux. C'est-à-dire, il les empêche complètement et absolument d'entrer au paradis. Aucun espoir pour eux. ليس له مأوى إلا النار لأن النار دار المشركين دار الكافرين أعدت للكافرين لماذا؟ لأنهم لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى الذي هو عبادته وحده لا شريك له. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هكذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ رضي الله عنه رسم له منهج الدعوة الذي يسير عليه. فبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على العباد. فالتوحيد هو الأساس. Donc le cheikh explique, il dit ensuite وما أواه النار, c'est-à-dire Allah va leur interdire le paradis et leur destination sera l'enfer. Leur destination ne sera que l'enfer. Ils n'auront pas d'autre destination que l'enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer, c'est la demeure des mushrikin, des gens qui font le shirk avec Allah et qui associent avec Allah. Et c'est l'enfer, et c'est la destination des kafirin. Être mushrik, c'est pas une nationalité. C'est pas un peuple. C'est pas une nation. C'est pas une origine ethnique. Être un mushrik, c'est de faire le shirk avec Allah, peu importe ton origine. Et être un kafir, c'est pas une nationalité, c'est pas une origine, c'est pas d'être d'une ethnie quelconque ou d'un peuple quelconque. Être un kafir, c'est de rejeter la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe de quel pays tu viens. Hein? Et ça, c'est un point important à comprendre. Et l'enfer, c'est la demeure des mushrikin. Et l'enfer, c'est la demeure des kafirin. Elle a été préparée pour les kafirin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné le droit qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de l'adorer lui seul et de ne rien associer avec lui. On a lu tout à l'heure le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Mu'adh ibn Jabal, dans lequel il a demandé quel est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le droit qu'il a sur ses créatures. Et on a expliqué que, il a expliqué le messager sallallahu alayhi wa sallam que c'était qu'on l'adore lui seul et qu'on n'associe rien avec lui. Hein? Maintenant, encore un hadith rapporté par le compagnon Mu'adh ibn Jabal. Encore une fois, Mu'adh ibn Jabal. Hein? Et il fait partie des grands ulama parmi les sahaba, Mu'adh ibn Jabal. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce hadith maintenant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen. Parce qu'il fait partie des gens qui ont de la compréhension de l'islam, qui ont du ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin d'envoyer une centaine de personnes pour appeler à l'islam. Il n'a pas besoin d'envoyer un groupe de personnes pour appeler à l'islam, comme certains par exemple, qui partent d'un pays à l'autre, d'une mosquée à l'autre, en groupe. Et ils sont tous, en majorité, aucun d'entre eux n'a étudié la charia. Aucun d'entre eux n'a étudié la aqida et l'islam. Et ils partent en groupe et ils prétendent qu'ils font la da'wah à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'envoie pas des groupes. Il envoie un seul compagnon, un seul sahabi, Mu'adh ibn Jabal, mais un alim parmi les ulama de la umma, qui ramène avec lui de la lumière et de la guidance. Il lui dit, je vais t'envoyer à des gens du livre, je t'envoie au Yémen, je t'envoie à des gens qui font partie des gens du livre, des gens parmi les juifs et parmi les chrétiens. Donc, des gens qui ont des notions de shirk et d'égarement et de contradiction avec la ilaha illallah. Donc, que la première chose à laquelle tu les appelles soit de témoigner de la ilaha illallah. Hein? Aujourd'hui, vous avez des gens parmi les musulmans qui vous disent que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars, qu'ils sont nos frères, qu'ils sont des croyants. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh ibn Jabal, je t'envoie à des gens du livre, des juifs et des chrétiens. Je t'envoie à ces gens-là. Appelle-les à quoi? Appelle-les à dire « La ilaha illallah ». S'ils sont des croyants, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit de commencer avec eux par « La ilaha illallah » Parce que c'est justement parce que ce sont des gens qui ont du shirk, qui prient à Jésus, qui prient à Marie, qui prient à des idoles, qui prient à des saints, comme les catholiques. Hein? Il y a peut-être une semaine ou deux de ça, je ne sais pas quoi, il y a eu à un endroit qu'on appelle Lourdes, ici en France, un gros pèlerinage qui fait partie des plus gros pèlerinages des mouchriquines catholiques. Hein? Ils sont allés adorer leur idole Marie, cette statue qu'ils adorent. Maryam, alayhi salam, c'est une parmi les femmes pieuses et la mère de Isa, alayhi salam, mais elle n'a jamais demandé aux hommes qu'on l'adore. Elle n'a jamais demandé à quiconque de lui offrir de l'adoration ou un culte. Au contraire, elle fait partie des personnes qui étaient sur le tawhid et qui appelaient à l'unicité d'Allah et qui suivaient la voie des prophètes. Elle n'a jamais demandé à quiconque, ni aux juifs ni aux chrétiens, de la prendre comme une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer ou de lui demander la guérison ou le pardon ou l'aide ou quoi que ce soit. Pourtant, ces gens-là ont dévié du message de Maryam, dévié du message de son fils, le prophète d'Allah, Isa ibn Maryam. Et ils ont pris lui ainsi que sa mère comme une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le shirk akbar, hein? La plus grande forme de shirk. Et donc ils vont à chaque année à cet endroit à Lourdes pour essayer de demander à Maryam des choses, ou bien à d'autres parmi les saints de l'église catholique. Tout ça c'est du kufr et du shirk, hein? Et malheureusement ce n'est pas quelque chose qui est spécifique, malheureusement, à ce qui se passe ici. Hein? Ça se passe même malheureusement dans les pays musulmans. Dans tous les pays musulmans, du nord de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, du Moyen-Orient, hein? de l'Asie mineure, hein? Et partout dans le reste des pays musulmans, vous avez dans des villages, dans des villes, des mosquées dans lesquelles il y a des tombes. Les gens sont enterrés à l'intérieur. Et les gens, ils rentrent, ils se frottent sur la tombe. Ils demandent la baraka de la tombe. Ils pensent que le wali qui est dans la tombe va les sauver, va leur donner du risque, va leur donner la guérison de la maladie. Ça, c'est le shirk akbar. Celui qui fait ça, il est mushrik billah. Il est mushrik, comme les juifs et les chrétiens qui ont touché la tombe. Les chrétiens, ils ne sont pas des mouchriquines seulement parce qu'ils ont dit « Isa ibn Allah ». Ce n'est pas juste parce qu'ils ont dit « Isa ibn Allah » qu'ils sont des mouchriquines. Parce que même s'ils ne disaient pas « Isa ibn Allah », mais qu'ils adoraient quand même Isa et qu'ils prient à Isa et qu'ils lui font des doigts, ils sont quand même des mushrikines, même s'ils ne disent pas qu'il est le fils. Le fait de dire qu'il est le fils d'Allah, ça ne fait que rajouter du shirk à leur shirk, parce que ça c'est shirk dans Rububiyya. Mais le fait de l'invoquer, de l'adorer, ça c'est shirk dans l'ibada, et ça aussi c'est une forme de shirk, hein, et qui est plus grave encore, hein. Donc si quelqu'un parmi les musulmans, il ne dit pas par exemple Muhammad ibnullah sallallahu alayhi wa sallam, personne ne dit Muhammad ibnullah, personne ne dit Muhammad c'est le fils d'Allah. Si quelqu'un dit Muhammad est le fils d'Allah, il devient kafir, mushrik. Mais si quelqu'un, il ne dit pas Muhammad ibnullah, mais il l'invoque Ya Rasulallah, hein, unsurna, ou des choses comme ça, il devient mushrik. Il devient mushrik avec Allah, parce qu'il adore d'autres que Allah. Hein? Donc ce n'est pas juste que tu dis par exemple fils d'Allah, ça c'est shirk. C'est pas seulement ça. C'est même dans l'adoration aussi. Si tu fais du shirk, ça devient quelque chose qui te fait sortir de l'islam. Donc, yani, ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie Mu'ad au Yémen, il lui dit, première chose à laquelle tu les appelles, tu leur dis la ilaha illallah. Tu leur fais comprendre que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Qu'ils doivent établir le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'ils ont compris ça, qu'ils ont établi ça, là après, tu vas leur dire qu'il y a 5 salats qui sont à établir durant le jour et la nuit. Pas avant. Tu ne vas pas leur dire faire la salat, ils continuent à faire le shirk. Parce que s'ils font la salat, mais qu'ils font quand même encore du shirk, Allah ne va pas accepter leur salat. Et après, s'ils ont accepté la salat après, là tu leur dis qu'il y a la zakat qu'ils doivent donner aux pauvres. Les riches donnent ça aux pauvres, hein? Il ne va pas leur dire donner la zakat alors qu'ils n'ont pas encore accepté le tawhid, parce que s'ils n'ont pas accepté le tawhid, leur zakat ne va pas être acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est d'appeler les gens à l'islam, mais en commençant par les choses qui sont prioritaires, par les choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire la foi, l'iman, l'aqida, le tawhid. C'est ça la base de l'islam. Hein? Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est ainsi que le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a destiné et a montré à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu la méthodologie de la da'wah et la manière de faire la da'wah, comment appeler les gens à l'islam, par quelle chose tu dois commencer en premier, hein? Et comment tu dois suivre par la suite. Et c'est de commencer par le tawhid, qui est le droit que Allah a sur ses créatures. فالتوحيد هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي يقوم عليها دين الإسلام. فلا تقام الصلاة ولا الزكاة ولا سائر الأعمال إلا بعد تحقيق هذا الأصل. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصلاة والزكاة بعده. مما يدل على أنه لم ما لم يتحقق هذا الأصل ويقوم هذا الأصل ويوجد وهو حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا فائدة من بقية الأعمال مهما أتعب الإنسان نفسه فيها فالتوحيد هو الأصل وهو الأساس والتوحيد هو السبب في مغفرة الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وابتغى بذلك وجه الله فكما أن الجنة حرام على المشرك فإن النار حرام على الموحد. Le cheikh il explique ensuite que donc le tawhid c'est la base et c'est la règle sur laquelle tout le reste de la religion est établi, est fondé, hein? Et donc c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas établir la salat, tu ne peux pas établir la zakat et toutes les autres œuvres que tu peux faire, tu ne peux pas les établir et les réaliser excepté si tu as établi en premier le tawhid à la base. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donc commencé par ça pendant 13 ans à Mecca. Sur quoi il s'est concentré le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sur le tawhid, la ilaha illallah. Il a combattu le shirk et l'idolâtrie que les mushrikines faisaient. Il n'a pas commencé par leur dire, hein, les autres aspects de la religion, puisque s'ils acceptaient les autres aspects sans avoir accepté la base, rien de ça n'aurait eu d'importance ni de valeur. Il fallait corriger la croyance en premier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaqué le point central de leur égarement, le point central de leur problème social et économique, le point central de leur vie, parce que les mouchrikoun avaient établi toute leur vie, toute leur société, toutes leurs économies, toutes leurs politiques sur le shirk. Leur vie entière était reliée au shirk et à l'idolâtrie et à l'adoration des idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Je vais leur parler d'autre chose que le tawhid. Je vais commencer avec eux avec husnul khuluq, leur parler des bonnes manières en premier. » Non, il a commencé par le tawhid. Il a commencé là où ça fait mal en premier. Et les gens, ils ne voulaient rien savoir, ils ne voulaient rien entendre. « Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun » Quand on leur disait « Dites la ilaha illallah », ils s'enflaient d'orgueil. Ils disaient « Quoi, tu veux rejeter nos idoles? Tu veux rejeter notre religion, notre croyance, la religion de nos ancêtres hein? ?» Ils s'enflaient d'orgueil. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été patient. Pour ça, ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu l'éliminer. Ils ont dit « On veut se débarrasser de celui-là. Il veut déranger notre foi, notre religion, notre croyance en nos idoles. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté ferme sur la da'wah et sur le tawhid. Et il a continué à les appeler au tawhid jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite lui donne la victoire sur les mushrikin. Et le cheikh, il dit donc, il a commencé par le tawhid, il n'a pas commencé par la zakat ou par la salat ou par les autres choses. Ça montre l'importance d'établir cette base. Donc il dit, le cheikh, toutes les œuvres, même si tu te fatigues à les faire, si tu n'as pas le tawhid, ça ne compte pas. Tu vas te fatiguer pour rien. Le tawhid, donc, c'est donc la base et le fondement le plus important. Et c'est une des causes parmi les causes du pardon de nos péchés. C'est une des causes parmi les causes que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est apporté par l'imam al-Bukhari, qui est un hadith sahih, que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'enfer. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah et qui le dit en voulant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il le dit avec sincérité. Hein, et qu'il a compris sa signification. Donc, comme on a dit tout à l'heure que, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui a interdit le paradis. Celui qui dit la ilaha illallah, Allah lui interdit l'enfer. Celui qui dit la ilaha illallah et qui a compris sa signification et qui l'a appliqué, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit l'enfer. Inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi wajha Allah. Fan-nar haram 'ala al-muwahhid. L'enfer est interdit pour celui qui est muwahhid, c'est-à-dire pour celui qui est sur le tawhid. Wal-jannatu haram 'ala al-mulhid. Le paradis est interdit pour le mulhid, celui qui nie Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qal, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Idha kana kadhalika ayyuha al-ikhwa, kana at-tawhid bihadhihi al-manzilati al-'azima wa hadha al-maqam ar-rafi', limadha la nahtamu bit-tawhid? Le cheikh il dit, donc si c'est ça l'importance du tawhid, ô mes frères, si c'est ça le degré dans la religion, c'est ça le degré du tawhid dans l'islam, alors dans ce cas-là, pourquoi on ne donne pas plus d'importance au tawhid? Pourquoi on ne donne pas plus d'importance au tawhid dans l'islam? Pourquoi on entend très rarement des conférences et des discours et des explications sur le tawhid alors que c'est la base de l'islam? Hein? Non seulement il y en a qui n'en parlent presque jamais, mais il y en a qui disent que si on en parle, ça va diviser les musulmans, alors il ne faut pas en parler. Allahul Musta'an. Pourquoi? Parce que les gens qui sont sur la bid'a, et qui sont sur le shirk, et qui adorent les tombes, ou qui adorent les saints, ils n'aiment pas qu'on dise que ce qu'ils font est shirk. Ils n'aiment pas qu'on les critique, ou qu'on montre la réalité de ce qu'ils font qui est contraire à l'islam. Alors, ils veulent qu'on se taise à ce sujet-là. Et ils veulent qu'on continue à laisser les gens dans l'ignorance. Et ils disent aujourd'hui, hein, on s'unit tous ensemble sur qu'est-ce qu'on sur les choses sur lesquelles on est d'accord, hein, on s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et sur les choses sur lesquelles on diverge, on s'excuse et on les laisse de côté. Hein? On s'unit sur qu'est-ce qu'on a en commun et le reste on le met de côté. Ça c'est le contraire de la da'wa des messagers, le contraire de la da'wa du tawhid. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé justement par attaquer le point central sur lequel les gens divergeaient, c'est-à-dire la foi en Allah et le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, hein, il a réformé les choses. Il a réformé la société et les choses. Il a corrigé l'erreur dans la base fondamentale. Donc c'est pour ça que c'est important de concentrer notre effort et notre étude et notre compréhension sur l'apprentissage de notre aqidah et du tawhid. Donc le cheikh il dit, pour terminer, donc il faut donner ça à ce sujet-là la priorité. Inch'Allah, on va s'arrêter pour l'instant à cet endroit. Et bi'iznillah, après la prière d'Asr, on va continuer dans la lecture donc de cette explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet de ce pilier et de cette base de l'islam qui est le Tawhid. Et Inch'Allah, on va rajouter encore d'autres clarifications et d'autres explications encore plus intéressantes, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته